Pourquoi ne pas dire qu'il est merveilleux? Pourquoi manquer une raison de l'adorer ce soir? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut élever sa voix et lui dire qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est puissant et qu'il est digne et qu'il mérite d'être sur le trône de vie? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut élever sa voix et dire qu'il est merveilleux et qu'il est digne de rester sur ce trône, que seul est digne de rester assis sur ce trône, et que devant lui tout genou fléchit, devant lui tout genou fléchit, non pas par orgueil, non pas pour l'autorité que tu as, mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon et puissant. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu l'adores encore ce soir. Trouve une raison pour lui dire qu'il est merveilleux, qu'il est digne, qu'il est saint et qu'il est encore saint dans ta vie. Jéhovah est, oh Jésus, il est merveilleux. Son nom. Dis-lui qu'il est bon dans ta vie. Jéhovah est, son nom. Merci Seigneur. Jéhovah est, son nom. Jéhovah est, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Le puissant guerrier, le fort dans les combats, Jéhovah, Jéhovah est, oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Kumama Yesu nangai kumama kumama kumama Yesu nangai kumama kumama kumama Yesu nangai kumama Bona nyonso nazui kati na yo Tika na kumisa yo Bona nyonso nasali kati na yo Tika na neto na yo Jésus dit à Marthe. Je suis mwambia Marthe que si tu crois, ukiamini, tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu ya Mungu. C'est notre cinquième semaine de prière. Ni juma yetu ya tano ya maombi qui s'avère être la clôture. Inaonekana kama ni kumwisho sasa. Bien, mais j'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Mpenda nataka tulamke sisi zote. Kanisa mzima tusimame. Jésus, lorsqu'il parle, il ne remet pas les choses demain. Yesu wakati anazungumzia kwa nasema weka bitu kesho. Si tu crois aujourd'hui. Ukiamini tu siku za leo. Regarde toutes tes peines. Angalia matatizo yako yote. Et mets foi en Dieu ce soir. Na weka imani yako ndani ya Mungu mangaribi ya leo. C'est la dernière semaine, j'aimerais qu'elle puisse être aussi pour toi. Et ni juma ya mwisho nataka ikuwe tu yako. Dis à Dieu ce soir. Basi mwambie Mungu mangaribi hivi. Je veux aussi un témoignage. Na mimi napenda niweko na ushuhuda. Que Dieu compte les jours que tu as eu à passer dans sa présence. Mungu ahesabie kama siku ulipitia ndani ya chumba yake. Qu'il réponde à ta requête. Na ajibu tena kuhitaji yako. J'aimerais qu'ensemble, avec un cœur reconnaissant devant Dieu, napenda wote pamoja na moyo que nous puissions le demander à Dieu. Tupate kumuomba Mungu qu'il fasse quelque chose. Afanye ko jambo mmoja. Élevons nos voix. Toute l'église, nous voulons prier. Bien-aimé, demande quelque chose cette semaine. Liboso ya kitinayo. Liboso ya kitinayo. Toye komivoka. Katina kembo nayo. Oh, s'il peut faire quelque chose ce soir. Oui, si tu peux faire quelque chose dans la vie de mon frère. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui implorent ta grâce. Oh Seigneur. Mokonzi na yo e obongi e. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce cette semaine. Que si tu es tombola, oh Seigneur, mon Seigneur, jour après jour, oh bon Dieu, nous prenons notre vie. Parce que nous croyons que tu es tombola, au-delà de tout. Faisons confiance. Allez. Et nous croyons que ta parole est oui. Alléluia. Et amen. Et cette semaine, Alléluia. Tu accompliras quelque chose dans la vie d'une personne. Alléluia. Merci pour toutes tes grâces. Merci, Jésus. Personne n'est venu devant toi et il est resté le même. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous t'élevons ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'il y a un témoignage qui t'attend? Il y a une guérison miracle dans ta vie avant la fin de cette semaine. On va t'appeler avant la fin de cette semaine. Cette semaine, une parole, un mouvement, une phrase peut changer notre vie. Moi, j'aimerais que tu acclames d'abord le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'étais en train de dire ceci. Une parole. Un petit mouvement. Cette semaine. Peut t'apporter quelque chose que tu as attendu il y a plusieurs années. C'est pourquoi toi, j'aimerais qu'on se tienne debout et que nous puissions provoquer l'action de Dieu dans ce monde. Ça dépend de comment tu vas. Chocose tout tendo ya Mungu mangaribi ya leo. Ça dépend de comment tu vas. Chocose tendo ya Mungu mangaribi ya leo. J'aimerais que tu provoques quelque chose. Usemo tu moya itabadilisha vitu yote. Que le Seigneur agisse dans ta maison. Que le Seigneur agisse dans ta maison. Que le Seigneur agisse dans ta santé. Au nom de Jésus de Nazareth. Une parole peut tout changer. Un mouvement peut tout changer. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. À santé, Yeshua. Alléluia. Santé, voilà. Oh, que Dieu soit béni. Santé, voilà. Alléluia. Amen. Mais elle a dit ceci. Allez, c'est matin, si je puis seulement toucher le pan de sa vie. Cette semaine, sois en mouvement. Réagis. Tenda. Dis amen. C'est ma bouge quand il faut bouger. Tenka pana pasa c'est la dernière semaine de Moulima. On parlera de Moulima l'année prochaine. Tu décidé à partir et aller. Prends une décision ferme. Alléluia. Amen. Alors, mina pendo la mukiole kupembeni hapo. J'aimerais que tu puisses saluer celui qui est à tes côtés. Il mwisho ya hii semaine. Que la fin de cette semaine. Ni yako. Oh, ça appartient. Kila kintu. Oh, hallelujah. Mungu atutende. Hallelujah. Salue celui qui est à côté de toi. Bona mukiole kupembeni yako tu. Salue deux personnes. Bona mese ituma tu ni yako. Que Dieu soit béni. Amen. Hallelujah. Amen. Alléluia, nous sommes dans la joie. Nous bénissons le Seigneur. Tunambariki Bwana. Tel que nous avons vu les orateurs passer ici devant. Nous sommes très reconnaissants auprès du révérend, auprès de maman. C'est une sélection impeccable. Attends match à Barcelone, tu es là. Même durant le match de Barcelone, on n'a jamais vu ainsi. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu. S'il y a un faux, les vrais existent aussi. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour les, tous les hommes? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors ce soir, nous avons encore un orateur exceptionnel. Je crois que la main de Dieu est sur nous ce soir. Alors nous allons demander à la technique. Ils vont nous aider à nous projeter le portrait de l'orateur. La technique. Fundi mitambo karibu. Moulima 30, édition 2025. Avec la participation de l'apôtre Samuel Moumou, l'apôtre Samuel Moumou, et maman, et père, de plusieurs enfants, il est fondateur du ministère Comparaître, c'est-à-dire la compassion et la restauration. Un ministère basé sur l'évangélisation, la guérison, la délivrance des âmes, et le salut des âmes. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je suis très content d'être encore au milieu de vous ce soir. Nous bénissons la main de Dieu qui nous a gardés. De la Tanzanie jusqu'ici. Nous sommes très reconnaissants de la bonté de Dieu. Et nous bénissons l'Éternel parce qu'il a permis que nous soyons parmi les grands orateurs. Tunabariki Bwana sababu alitamani tuwe tena katikati ya wahubiri wakubwa. Les éminents hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cette chair. Watumishi wa Mungu wenye waliweza tembea kupita pa mimbari hapa. Qui ont été une grande bénédiction pour l'église de Dieu. Walikuwa tu baraka kubwa kwa ajili ya kanisa. Et je remercie grandement le Seigneur pour son serviteur. Na bariki tena Bwana kwa ajili ya mtumishi wake. Le révérend pasteur Désiré Mbaye. Révérend pasteur Désiré Mbaye. Sa femme ainsi que tous les hommes de Dieu mke wake na watumishi wote wa Mungu d'avoir accepté que nous puissions parler aussi de la part de Dieu waliitika sababu tusemeze kwa upande wa Mungu. Je bénis Dieu aussi pour ta présence ce soir. Nabariki tena Mungu kwa uwepo wako tioni. Il est un Dieu merveilleux. Yeye ni Mungu mwema. Il a permis que tu sois en ce lieu ce soir. Alitamani uwe tena nafasi hapa jioni. C'est un Dieu grand, un Dieu puissant. Ni Mungu mkubwa tena wa uwezo. Est-ce que tous ensemble on peut acclamer pour l'homme de Dieu, le pasteur Désiré? Pamoja tunaweza kumchapia tena pasteur Désiré Kofi. C'est une bénédiction d'avoir un père qui a une grande vision comme lui. Ni baraka kuwa na baba na kuwa na onyo kubwa kama yeye. Qui cherche toujours des hommes de Dieu pour te nourrir, te bénir. Anatafuta mpaka watumishi wa Mungu sababu wakulishe. C'est une grande bénédiction. Inakuya tu ni baraka kubwa. Et nous aussi, on viendra aussi avec une petite pierre. Na sisi tunakuwa na jiwe kidoko. Ajouter à ce que les hommes de Dieu ont commencé à construire. Kuongezea pa ile watumishi wa Mungu walianza kujenga. Et surtout que je suis le dernier orateur. Na hivi mimi nakuwa mhubiri wa mwisho. Vous avez été sérieusement béni, grandement béni. Mulibarikiwa sana. Et je viens après deux docteurs qui se sont succédés. Minakuya kisha wa docteur wawili walifatishana. Mais nous avons aussi quand même une petite pierre aussi à poser sur l'édifice qu'ils ont commencé à construire. Na sisi tunakuwa na jiwe ya kuongeza pa misingi yenye balianzisha. Et en plus de cela, nous allons aussi expérimenter la présence de Dieu. Na kisha ile tutaweza kuishi tena uwapo wa Mungu. Parce que je sens déjà la présence de Dieu au milieu de nous. Nasikia uwapo wa Mungu katikati yetu. Le Dieu de la source féconde est présent. Mungu wa chemchem la uzao eko hapa. Moi j'aime la présence de Dieu. Minapenda zaidi uwapo moi, wa Mungu. Je suis comme Pierre. Hein? Niko kama Petro. J'aimerais que même si je vais dormir à l'extérieur, mais la présence de Dieu me suffit. Natamani hata mitalala nje lakini uwepo wa Mungu inanyenyea. Pierre dit qu'on construit seulement 3 tentes. Kuyenga tu mahema tatu. Mais je me suis posé des questions, mais où est-ce que lui va dormir? Nikajipikia swali ni wapi yeye ataweza kulala? J'ai vite compris que avec la présence de Dieu tout était suffisant pour lui. Na elewa kusema na uwepo wa Mungu yote iliweza kumwelekea. Parce que dans la présence de Dieu rien n'est impossible. Uwepo wa Mungu hakuna kitu kiwezekane. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tunaweza kuinuka. J'ai besoin de la chorale pour 5 minutes seulement. Na itajia tu kwaya kwa 5 minutes. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et il y a une chanson, je ne sais pas si vous je pense que tout le monde connaît ça. Jua kusema wote wanajua hiyo wimbo. C'est une chanson qui dit Dieu tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Nous allons tous chanter tout en adorant le Seigneur. Nous allons nous mettre debout tous. Tuta simama bwima sisi wote. On va fermer nos yeux. Tutafunga macho yetu. On va aussi élever nos mains. Tutanyanyua mikono yetu. Nous allons adorer le Seigneur. Tutamwabudu Bwana. Nous allons chanter à haute voix. Tutaimba na sauti ya nguvu. Lorsque tu vas commencer à chanter, wakati utaanza kuimba, sois connecté à la puissance de Dieu. Wewe uambatanishwe kwa uwezo wa Mungu. Je sais que Dieu est là, il est présent. Najua kusema Mungu yuko hapa. Tu fermes tes yeux, tu élèves ta main. Unafunga macho yako na unanyanyua mikono yako. Dieu tout-puissant. Dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Oh, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Encore une fois, Dieu Tout-Puissant. Oh, quand mon cœur considère. De tout ton cœur, tu le chantes. Et créé par ton tu oses encore ta voix, tu dis Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Tout l'univers. Oh, créé par ton oui, les cieux d'azur. Les éclairs, les tonnerres, le clair matin, les ombres du ciel, oh, mon cœur, se lève un chant, Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand, oui, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand, oui, de tout mon être. Alors, lève un chant, Dieu Tout-Puissant. Que tu es, oh, Sambena Kembo, Sambena Kembo, Sambena. Pour Saint-Jola. Saint-Jola, Sambena Kembo, Sambena, Saint-Jola, que tu es grand, oui, de tout mon être. Et alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant. Et que tu es, Dieu Tout-Puissant. Et que tu es, on peut acclamer, on acclame avec des cris de joie. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Tunambariki Bwana. Parce qu'il est merveilleux. Sababu ni mwema. Nous allons passer à la parole de Dieu. Tutapita ku neno la Mungu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Juges. Tutasoma neno la Mungu. Chapitre 6. Mwamzi sura yake ya 6. Verset 12 à 15. Mstari wake wa 12 mpaka 2 na Juges chapitre 6 verset 12 à 15. La Bible dit: Biblia nasema, l'ange de l'Éternel lui apparut. Malaika wa Bwana akamtokelea. Et lui dit: akamwambia, l'Éternel est avec toi. Bwana ni pamoja nawe. Vaillant héros. Hey, msuja. Gédéon lui dit: Gideoni akamwambia, ah mon Seigneur. Eh hey, Bwana wangu. Si l'Éternel est avec nous. Kama Bwana ni pamoja nasi. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent nous toutes ces choses sont-elles arrivées? Mbona nini mambo haya imetupata? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Yako wapi matendo yenye maajabu wa baba zetu wakatuambia? Quand ils disent, wakati wanasema, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Si Bwana halitupeleka tena nje ya Misri. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Ila sasa hametutupa. Et il nous livre entre les mains de Madian. Naye ametutia katika mikono ya Midiani. L'Éternel se tourna vers lui. Bwana akawatazama. Et dit: akasema, va avec cette force que tu as. Henda kwa nguvu uko nazo. Et délivre Israël. Ufungule Israeli. De la main de Madian. Kwa mkono wa Midiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je, si mimi nilikutuma. Gédéon lui dit: Gideoni akamwambia, oh mon Seigneur, ah mon Seigneur. Hey Bwana. Avec quoi délivrerai-je Israël? Nitawafungua Israeli pamoja na nini? Voici ma famille est la plus pauvre à Manasse. Tazama jamaa zangu ndipo tena wa masikini ndani ya Manasse. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Na mimi nilie mdogo katika nyumba ya baba yangu. Et l'Éternel lui dit: Bwana akamwambia, mais je serai avec toi. Hakika nitakuwa pamoja nawe. Et tu battras Madian comme un seul homme. Nawe utapika wa Midiani kama mtu mmoja. Amen. Amina. Saint-Esprit, merci pour cette disponibilité. Aksante Roho Mtakatifu kwa wapo wako. Merci pour ta présence ce soir, Esprit de Dieu. Aksante kwa wapo wako, Roho ya Mungu. Saint-Esprit, je t'aime. Roho Mtakatifu nakupenda. Et j'ai confiance en toi, Esprit de Dieu. Nakuwa na tumaini ndani mwako, Roho ya Mungu. Sans toi, je ne serai qu'un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Bila wewe mimi nitakuwa tu ni chombo utupu na tafanya kelele nyingi. Enseigne avec nous ce soir. Fundisha pamoja nasi jioni. Manifeste la présence de Dieu ce soir. Uoneshe uwapo wa Mungu jioni. Prends ce qui est de Jésus et donne-nous ce soir. Nachukua yenye na kwa ya Yesu utupatie jioni. Glorifie le nom de Jésus en ce lieu ce soir. Jina la Yesu itukuze tena jioni. Et sois le seul maître à bord. Na ukuye we peke mwalimu ndani. Nous te remercions, Saint-Esprit de Dieu. Tunakupikia asante Roho ya Mungu. Et nous t'aimons abondamment. Tunakupenda kwa utele. Parce que tu es un esprit de puissance. Sababu kwa Roho ya uwezo. Un esprit de révélation. Roho ya ufunuo. Un esprit de miracle. Na Roho ya mdiza. Merci parce que tu es là. Aksante sababu merci kwa d'avoir accepté de travailler avec nous. Aksante ulialika kutumika nous nasi. Te remercions. Tunakupikia aksante. Au nom puissant de Jésus. Mujina la Yesu. Que nous avons ainsi prié. Tunaomba hivi. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Salue-moi celui qui est à côté de toi. Lamkia mwenye anakuwa pembeni yako. Dis-lui que le Dieu de notre papa désire te bénisse. Umoneshe kusema Mungu wa baba yetu akubariki. Amen. Amina. Gloire soit rendue à notre Dieu. Sifa imweleke tena Mungu wetu. Notre thème est intitulé va avec cette force que tu as. Kishina yetu inakuwa ni wende na nguvu uko nazo. C'est un bon thème. Ni shina mzuri. Depuis le début de cette année. Tangu mwanzo ya mwaka huo. Dieu ne fait que te parler de la même chose. Donc, il y a une insistance divine sur la vie de quelqu'un. Il y a une personne que Dieu veut utiliser puissamment. Il y a une personne que Dieu veut amener au-delà de ce qu'il vit et de ce qu'il est. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu vois. Kile wiko aina kile unaona. Ce que tu es, c'est ce qui se cache à l'intérieur. Kile wiko ni kile kinafuchama ndani. De ton âme. Ndani ya nafsi yako. De ton esprit. Ndani ya roho yako. Ainsi que dans tes pensées. Na ndani ya mawazo au mafikiri. Il y a des grandes choses qui dépassent même le niveau de ta famille. Koko vitu kubwa vinapita hata hali ya jamaa yako. Il y a des choses que Dieu a déposé en toi. Koko vitu Mungu anaweka ndani mwako. Qui dépassent même le niveau de tes études. Inapita hata kimo ya majifunzo yako. Qui dépassent les connaissances que tu possèdes. Inapita hata maufahamu yenye unakuwa nayo. Vous savez, le livre des juges. Unajua kitabu ya Mwamzi. C'est un livre qui nous parle d'un cycle spirituel. Inakuwa ni kitabu kinatusemezea kwa ile inafashika kila mara ya kiroho. Israël s'est livré dans le péché, l'idolâtrie. Wakati Israeli iliweza kujitoa muzahami na masanamu. Un moment où il y avait la pression. Wakati walisurutishwa. Un moment où le peuple de Dieu était assujetti. Wakati hiyo tena taifa ya Mungu iliweza kushurutishwa. Un moment où le peuple de Dieu était dans l'esclavage. Ule wakati wa taifa ya Mungu ilikuwa ndani ya utumwa. Et c'est dans ce moment-là que Dieu se révèle dans la vie d'une personne. Ni muyo wakati Mungu anajionesha maisha ya mtu. C'est dans ce moment-là Dieu vient dans la vie de quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Ni muile wakati Mungu anafika maisha ya mmoja jina lake ni Gédéon. Quelqu'un reçoit l'appel. Mtu anapokea mwito qui est au-delà de ses doutes, de sa peur. Yenye inapita hata boka na shaka yake. Dieu se révèle dans la vie de Gédéon. Mungu anajionesha mu maisha ya Gédéon. Et Dieu appelle Gédéon du nom de vaillant héros. Na Mungu akamwita Gédéon kwa jina ya msujia. La Bible dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Biblia inasema Mungu anaita ile inakuwa kila kikukuwepo. Dieu t'appelle le nom de ta fin, de ton commencement. Mungu anaita kwa jina ya mwisho. Parce na mwanzo yako. On ne peut pas appeler quelqu'un vaillant héros. Hawawezi kuita mtu msujia. Sans avoir accompli ou faire un exploit. Bila yeye kutenda vitu vikubwa. C'est après les exploits qu'on appelle quelqu'un héros. Nikisha kutenda vitu kubwa wakamuita banaweza kuita mtu msujia. Rencontre un homme peureux. Mungu anakutana na mtu wa boka. Un homme faible. Huyu mzaifu. Un homme qui vient d'une petite famille. Mwenye anatoka mjamala tena kidogo. Un cadet d'une famille pauvre. Yeye anakuwa wa mwisho mjamala tena wa masikini. Un homme d'une petite tribu. Yeye anatoka mkizazi kidogo. Dieu le rencontre. Mungu anakutana naye. Et il l'appelle vaillant héros. Et cet homme de Josué, de Gédéon, commence à dire à ce Dieu Tout-Puissant. Il commence à montrer ses inquiétudes. Il commence à dire à Dieu, où est ce Dieu que nos parents nous parlaient? Cela veut dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'a pas regardé ni écouté à ses discours. Mais Dieu lui dit, vaillant héros. Et Dieu lui dit, je t'envoie dans une mission. Et la mission que je te donne, c'est libérer mon peuple de la main de Madianite. Alors Gédéon lui dit, bon, comment est-ce que je saurais délivrer ce peuple? Au moment où moi-même je suis d'abord pauvre, je suis le cadet de ma famille. Et d'ailleurs notre tribu est trop petite. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Chaque personne sur la terre marche sous trois visions. La première vision qui est sur la vie de l'homme, c'est la vision des hommes sur sa vie. Écoute, chaque personne sur sa terre et sur cette terre, il y a de tous ceux qui les voient. Ils ont leur vision par rapport à sa vie. Et vous allez remarquer, même David dans la maison de son père, quand son père le regardait, il voyait seulement un petit garçon. Il ne voyait rien en David. Et David n'était pas compté parmi ses enfants. Parce que le jour que Samuel est venu dans la maison, de Jesse pour chercher un roi. Son père lui a présenté des gens qui avaient des qualifications. Et ces qualifications, c'était par rapport à ce qu'il faisait. Ses frères, c'était des vaillants militaires. C'était des gens qui travaillaient pour la protection de la nation. C'était des gens qui se battaient pour la sécurité du peuple. Et quand Samuel est venu, le père n'a pas vu David. Parce que selon sa vision, David n'était qu'un petit berger. Il ne pouvait rien faire comme roi. Écoute, il y a de la manière que les gens te voient. Quand les gens te regardent, ils ne voient absolument rien. Ça, ce ne sont que des gens. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la vision des gens sur ta vie. Je viens dire à quelqu'un ce soir, méfie-toi de tout ce que les gens disent sur ta vie. Ce que les gens disent sur ta vie, ce sont leurs opinions, c'est leur manière de voir des choses. Parce que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que Dieu voit. Il y a des gens qui se sont découragés inutilement. Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur parce que les gens ont dit des choses sur leur vie. Même leurs parents, quand ils les regardaient, ils ne voyaient personne. Ils ne voyaient qu'un simple délinquant. Écoute bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas choisis lorsqu'on est né. Dieu ne nous a pas choisis lorsqu'on était dans les ventres de nos mamans. Dieu nous avait choisis depuis l'éternité. Avant que ton père rencontre ta maman, Dieu te voyait déjà. Dieu avait déjà écrit tes jours. C'est pourquoi tout ce que les gens disent à propos de ta vie, que les critiques des gens ne te disent absolument rien. Ça, c'est leur vision. Oh, quand les gens regardaient Jephté, qui avait des origines compliquées, un enfant d'un prostitué, même ses frères l'ont chassé parce qu'ils ne voyaient rien dans la vie de cet homme. C'est ça leur vision, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième vision, c'est ta propre vision sur ta vie. Écoutez, ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que tu parles sur ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Il n'a pas regardé sa tribu. Il n'a pas regardé ses origines. Il n'a pas regardé sa petitesse. Écoutez, quand même Dieu a rencontré la personne de Jérémie, Jérémie a commencé à expliquer à Dieu, Je ne suis qu'un simple enfant. Mais Dieu lui a dit ceci: avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Et lorsqu'il était dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà établi prophète. Écoutez, ce que tu vois toi-même, ce n'est pas ce que Dieu voit. Et la troisième vision sur la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu voit sur ta vie, ce n'est pas ce que les autres voient. Ce que ton père voit sur ta vie. Écoutez, il y a des enfants qui ont surpris leurs parents. Il y a des enfants que quand leur papa regardait, ils ne voyaient absolument rien. C'était des enfants turbulents, des enfants qui ont compliqué la famille. Mais ce sont ces gens-là que Dieu a élevés. Ce sont ces gens-là que Dieu a fait d'eux de grandes personnalités. Attache-toi à la vision de Dieu, pas à la vision des hommes, pas à ce que tu vois dans ta vie. Au-delà de ce que tu vois, il y a autre chose que tu ne vois pas. Et ce que tu ne vois pas, c'est ce que tu es. Gédéon ne voyait absolument rien. Gédéon avait lui-même accepté qu'il était faible. Il a expliqué sa faiblesse à Dieu. Il a dit à Dieu, je suis faible. Je ne peux pas délivrer ce peuple. Je viens d'une petite famille. Oh, Corinthiens dit quoi? Deuxième Corinthiens, chapitre 12, verset dit ceci. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, dit ceci. Je lis seulement la dernière partie. Il dit que c'est lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc dans ta faiblesse là, il y a une force cachée. Et c'est cette force que tu dois marcher avec. Maintenant, moi, je me posais des questions. Cette force que Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force. C'est une force musculaire. C'est quelle sorte de force? Ce n'était pas une force musculaire. Ce n'était pas une force financière. Ce n'était pas une force des études. Non, je ne néglige pas les études. Parce que même pour lire la Bible, tu as besoin d'étudier. Même pour servir le Seigneur, les études sont tellement indispensables. Maintenant, ce n'est pas par la force des études que Dieu a dit à Gédéon de partir avec. Ce n'est pas par la force de l'argent. Ce n'est pas par la force musculaire. Mais en lui, il y avait une force qui était cachée. Maintenant, j'étais en train de chercher cette force. Alors, j'ai compris que la force qui était en Gédéon, c'était la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse est une force. Oh, bien-aimé. C'est là que notre enseignement va commencer. C'est parce que c'est là qu'il y avait une force. Donc la sagesse de Dieu, c'est une force. Je ne parle pas de la sagesse de ce monde. Parce que la Bible dit ceci, la sagesse de ce monde, c'est une folie. Mais je parle de la sagesse qui vient de Dieu. Parce que la sagesse qui vient de Dieu, c'est une force. Parce que la force que Gédéon cherchait, c'est une force pour la mission. C'est une force pour la délivrance d'un peuple. Et quand Dieu l'appelle, il dit qu'il est faible. Et quand vous regardez sa biographie, réellement, il n'était pas éligible. Parce qu'il venait d'une tribu qui n'avait pas de renommée. Ma tribu et ma famille est la plus pauvre de toute la tribu. Donc lui, il avait atteint le dernier seuil de la pauvreté. Je ne sais pas si chez eux il y avait même une chaise. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont pauvres, hein, qui n'ont pas de chaise, qui n'ont même pas de lit. Maintenant lui, il dit, il était dans la famille la plus pauvre. Quand quelqu'un est dans une dimension d'une pauvreté exagérée, vous allez remarquer la première des choses qui va se battre pour survivre, ce ne sont pas les vêtements, c'est la nourriture. Parce qu'il y a des gens qui mangent pour vivre, mais il y a d'autres, la nourriture c'est autre chose. Ils ont déjà dépassé le seuil. Même quand Dieu l'a rencontré, il était en train de cacher la nourriture. Parce que sans cette nourriture, il allait mourir. Mais Dieu rencontre cet homme dans une pauvreté exagérée. Mais il lui dit, va avec cette force. Maintenant, moi, je me pose des questions, c'est quelle force? C'est la sagesse qui était en Gédéon. Même le fait d'aller préparer la nourriture, est caché quelque part, ce n'était pas une force mise qu'il est, c'était la sagesse de Dieu. J'arrive à comprendre. La sagesse de Dieu, c'est une force. C'est pourquoi Salomon, quand il a pris le pouvoir, il a commencé une marche prophétique. Et cette marche prophétique, c'était de diriger tout un peuple de Dieu. Mais Salomon n'a pas demandé les muscles. Salomon n'a pas demandé de l'argent. Il avait demandé seulement la sagesse. Donc la sagesse que Salomon avait demandé, c'était une force qui va l'aider à marcher avec ce peuple. Donc la sagesse, c'est une puissance. Lisons d'abord Ecclésiaste 7:19. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste 7:19. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Monsieur, l'Ecclésiaste dit ceci. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Donc, l'homme qui était faible, c'est qui? C'est Gédéon. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Dans les faiblesses. Dans les outrages. Dans les outrages. Les outrages ne m'attouchent. Alléluia. Amen. Dans les outrages. Dans les calamités. Dans les persécutions. Dans les détresses. Oh, sorry. Je sens de lire autre chose. Ça, c'est Paul qui disait. Mais lisons, Ecclésiaste dit. La sagesse et qui m'a rend le sage plus fort que des chefs qui sont dans une ville. Profondeur. Alléluia. La Bible dit ceci. La sagesse rend le sage plus fort que des chefs qui sont dans une ville. Donc la sagesse rend plus fort le sage plus que 10 chefs réunis dans une ville. Donc cela veut dire dans cette ville de Lubumbashi, si on réunit 10 généraux, si on réunit 10 grands chefs dans cette ville, alors la force réunie c'est 10 généraux ne dépasse jamais la force d'un sage. Parce que la sagesse, c'est ça même la force d'un sage. Donc, la sagesse, c'est une grande force. Donc j'arrive à comprendre que la force que Gédéon avait, c'est la sagesse de Dieu. Parce qu'avec la sagesse, on devient plus fort. Donc la Bible dit ceci. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'un homme sage, c'est un homme qui craint Dieu. Donc c'est lui qui a la sagesse, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Okay, la crainte de Dieu, la sainteté, c'est ça même la mère de la sagesse. Parce que la puissance de Dieu ne peut pas opérer là où il n'y a pas la sainteté. La puissance de Dieu ne peut pas se libérer là où il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que quand la crainte de Dieu s'installe, c'est là que la sagesse se déploie. La sagesse, c'est une puissance. La sagesse, c'est ça même l'Esprit de Dieu. Parce que Esaïe parle de la révélation de la venue de Jésus-Christ. Il dit que c'est lui qui il a cet esprit. Il a l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Ça, c'est Esaïe chapitre 11 verset 2. Donc Esaïe va comprendre que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. C'est une force qui est dans la vie de quelqu'un. Et la Bible dit ceci: la sagesse renforce les sages. Il devient plus fort que 10 chefs dans une ville. Or celui qui est faible, c'était la personne de Gédéon. Mais en lui il y avait la sagesse. Et cette sagesse, c'est ça même la force. Lisons un verset, c'est là qu'on va maintenant entrer dans la profondeur de notre enseignement. Nous lisons Proverbe chapitre 30, verset 24 à 28. La Bible dit ceci: il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant le plus sage. Il dit qu'il y a 4 animaux le plus petit. Ce sont des petits animaux, et cependant le plus sage. Ce n'est pas seulement qu'ils sont sages, mais ils sont plus sages. Ils sont faibles, mais ils sont plus sages. Donc dans leur faiblesse, leur force, c'est la sagesse. Mais ces animaux, c'est un enseignement pour nous. Ces animaux, ils marchent avec leur force. Ils s'en vont avec leur force. Et leur force, c'est quoi? Leur force, c'est la sagesse. Donc la force que tu dois partir avec, à cette fin de l'année, c'est la sagesse divine. Oh, la sagesse divine, c'est une force extraordinaire. Parce que c'est lui qui a la sagesse. Il dépasse 10 chefs réunis dans une ville. Et la Bible nous parle des 4 petits animaux. Ils sont petits. Dans d'autres versions, ça dit ils sont faibles, mais ils sont très sages. Et le verset 25 commence à énumérer le premier. Le premier, il dit que les fourmis, peuple sans force. Dans d'autres versions, du peuple faible. Prépare en été leur nourriture. Donc la première créature qui est faible, c'est la fourmi. Mais cette fourmi, dans sa faiblesse, il a une force. Et cette force, c'est la sagesse. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Quand on te regarde, tu n'es pas fort. Tu n'as pas l'argent. Tu viens dans une famille compliquée. Tu n'as pas beaucoup étudié. Tu n'as pas un bon travail. Physiquement, tu es faible. Mais spirituellement, il y a une force cachée en toi. Et cette force cachée en toi, c'est ça la sagesse. Donc la sagesse, c'est une arme puissante qui peut délivrer ta famille, ta vie et toute une nation. Oh, la Bible dit ceci: dans une ville, il y avait un homme qui était pauvre, mais il avait la sagesse. Et cette sagesse a délivré toute la ville. Tu as besoin de la sagesse pour délivrer ta vie, pour changer ton avenir, pour vivre ta destinée. Tu as besoin de la sagesse. Et la première sagesse que tu dois avoir, c'est la sagesse de la fourmi. On commence avec la fourmi aujourd'hui. C'est la sagesse de la fourmi. C'est ce qui va t'amener à la grandeur. C'est ce qui va t'amener à une grande délivrance. C'est ce qui va t'amener à l'accomplissement de la mission. Salomon reçoit la mission de succéder un grand roi. kukomboa mufalme mkubwa. Qui est ce roi là? Nani anakuya huyo mfalme? C'est le roi David. Inakuwa ni mfalme Daudi. Oh, le roi David. Mfalme Daudi. C'était un homme fort. Yeye ni alikuwa mtu wa nguvu. Il a terrassé Goliath. Aliweza kumwangusha Goliath. Il a délivré Israël. Alifungula Israeli. Il a battu les Philistins. Aliweza kupika wa Philistins. Il a versé le sang. Aliweza kumwanga damu. Mais celui qui le succède. Mwenye aliweza kumkomboa. Il ne connaît pas la guerre. Yeye asijue vita. Il ne s'est jamais battu. Il ne connaît pas la guerre. Celui qui connaissait la guerre, c'est son frère Absalom. Parce que Absalom, c'était un guerrier. Parce que Absalom est parvenu même à chasser son père au pouvoir. Mais Salomon arrive, il ne connaît pas les armes. Il ne connaît pas la guerre. Il n'avait pas la force. C'est pourquoi il est allé vers Dieu. Il dit, donne-moi la sagesse. Il avait besoin de la sagesse pour partir avec ça. La force dont il avait besoin, c'était la sagesse. Or, la Bible dit, la sagesse pour un sage, c'est une force qui dépasse 10 chefs réunis dans une ville. Maintenant, pour que tu réussisses ta vie, pour que tu accomplisses la mission de Dieu, tu as besoin de la sagesse. Maintenant ce soir, on va étudier la première sagesse. C'est la sagesse de la fourmi. Cette sagesse de la fourmi, tu y en as tellement besoin. Si tu reçois cette sagesse, tu vas changer ton avenir. Tu seras un homme fort, un homme de la renommée, qui va accomplir ta destinée. Allons dans Proverbes chapitre 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit, va vers la fourmi paresseuse. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui donne cette sagesse, c'est cette révélation à Salomon. Mungu analeta hiyo ufunuo kwa Salomon. Salomon révèle maintenant la chose. Sasa Sulemani anafungula hiyo kitu. Va vers la fourmi. Asema enda kwa huyu nyengelele. Paresseux. Mzaifu. Considère ses voies. Uone kama majia yake. Donc cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Étudie ses voies. Afunda tena maneno yake. Apprends sa manière de vivre. Funda hali yake ya kuishi. Marche comme la fourmi. Tembea kama nyengelele. Et considère ses voies. Asema ona na bei hiyo tena majia yake. Et deviens sage. Na ukue tena mwenye hekima. Donc cela veut dire quand tu pars, tu marches. Ni wakati unatembea. Dans la voie de la fourmi. Munjia ya nyengelele. Quand tu reçois la sagesse de la fourmi. Ukipokea hekima ya nyengelele. Toi aussi tu deviens sage. Na wewe pia unakuwa mwenye hekima. Maintenant il dit. Akasema. Ina ni chef. Asina na mkubwa. Ni inspecteur. Asina na mwenye kuangalia kuchunguza. Ni maître. Asina na mwalimu. Elle prépare en été la nourriture. Yeye anapika kwa wakati chakula. Ça c'est la première des choses. Hiyo inakuwa kitu ya kwanza. La sagesse de la fourmi. Hekima ya nyengelele. La première des choses. Kitu ya kwanza. Qui fera de toi un homme fort. Itafanya uwe mtu wa nguvu. Dans l'année qui commence. Inakuwa inaanzishwa. C'est quoi? Ni nini? Alléluia. Amina. C'est la sagesse de la fourmi. Ekima maintenant, cette sagesse de la fourmi, asa iyo ekima, la première des choses, kitu ya kwanza, la fourmi a le discernement de temps. Nyengelele anakuya na iyo uachanisho donc, wa nyakati. La fourmi, nyengelele, c'est un fils d'Issachar. Anakuya tu ni mwana wa Issachar. Il a la révélation du temps. Yeye anakuwa na ufunuo ya wakati. Les gens forts, watu wa nguvu, ce sont les gens qui ont la connaissance du temps. Ni wale wanakuwa na ufahamu wa nyakati. Fils d'Issachar, parmi le peuple d'Israël, ils étaient un peuple extraordinaire. Toute la nation d'Israël avait besoin des fils d'Issachar parce qu'ils avaient la connaissance du temps, ils avaient le discernement du temps, ils savaient ce que Israël devait faire en ce moment-là. Ô Église source féconde, ayez le discernement de temps. Si tu n'as pas le discernement de temps, tu vas échouer dans l'avenir. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Celui qui a le discernement de temps, il prépare sa bataille au moment où il y a la paix. Anatayarisha ukombi wake wakati kuko il prépare son avenir lorsqu'il est aujourd'hui. Écoute, le discernement de temps. Donc cela veut dire que la fourmi, il est l'image des fils d'Issachar. Même Jésus dit ceci aux pharisiens. Vous pouvez discerner le ciel. Vous pouvez regarder le ciel. Et vous dites que la pluie va tomber. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas le discernement de temps? Église source féconde. La sagesse de la fourmi. La force de la fourmi. C'est le discernement de temps. La Bible dit ceci. Au temps de l'abondance, il prépare sa nourriture. Parce que demain se prépare aujourd'hui. Si tu n'as pas la notion de la préparation, tu vas échouer dans les jours à venir. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Chaque chose a son temps. Si tu ne connais pas le discernement de temps, il est difficile que tu réussisses dans ta vie. Parce que la préparation, c'est ça même l'esprit des bâtisseurs. Ce ne sont que les bâtisseurs qui connaissent comment se préparer. On ne peut pas se préparer si on n'a pas le discernement de temps. Écoutez, même si tu veux entrer dans l'agriculture, la première chose que tu as besoin, ce n'est pas seulement avoir un champ, c'est le discernement de temps. Parce qu'il y a un temps pour semer et il y a un temps pour. Maintenant, le temps de la semaille demande une préparation. Donc l'église est sous-féconde, soyons comme la fourmi. La force que tu dois avoir, c'est la sagesse de la fourmi. Le discernement de temps. Le discernement de temps. Si dans notre église, les gens ont le discernement de temps, cette église va exploser. Le miracle va s'opérer en ce lieu. Parce que dans chaque église, chaque personne a son temps. Et chaque temps a sa personne. Maintenant, si vous n'avez pas le discernement de temps, vous allez commencer à combattre la personne que Dieu a élevée à son temps. Toute personne élevée au temps de Dieu, c'est une personne incontournable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Lorsque le temps de l'autre arrive, nous tous devons nous rallier derrière lui. Parce que sa bénédiction, c'est notre bénédiction. Parce que dans le karma, ce que tu n'honores pas ne t'honorera jamais. Ce que tu ne respectes pas ne te respectera jamais. Et la sagesse de la fourmi, le discernement de temps. Le discernement du temps. Il dit pendant le temps de la pluie, il y a beaucoup de nourriture. Qu'est-ce que la fourmi fait? Il est faible. Il ne peut pas s'affronter à... parce que quand vous mettez la fourmi pendant la saison sèche, elle n'a pas la capacité de supporter la chaleur. Elle n'a pas la capacité de sortir pendant le temps de la chaleur pour aller chercher la nourriture. Or que le temps de la chaleur, il n'y a pas la nourriture. Maintenant, qu'est-ce que lui fait? Il commence à préparer sa nourriture pour affronter la bataille de la sécheresse. La provision. Anaweka, anatunga vitu. Même l'église doit rentrer dans le discernement de temps. Na kanisa inapasha kurudia mu utambuzi wa nyakati. Dieu n'est pas Dieu. Mungu ne court pas derrière la montre. Yeye asikimbie nyuma ya saa. Parce qu'avant le temps, mbele ya wakati, il existait. Yeye alikuwa hapo. Et après le temps, na kisha wakati, il existera toujours. Atakuwa hapo mpaka. Mais ce n'est que l'église. Lakini ni paka kanisa. Qui marche derrière le temps. Inatembea tena nyuma ya wakati. Maintenant, nous devons avoir le discernement. Tunapasha kuya tena na utambuzi. De connaître à quel moment nous sommes. Ni kujua ni wakati kani tuiko. Parce que l'enlèvement, C'est une bataille que nous devons remporter. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Parce que dans l'horloge prophétique, kusa ya unabi, nous sommes déjà à la quatrième fête. Tunakuya tena karamu ya ine. Parce que nous avons sept fêtes de l'Éternel. Tunakuya na makaramu saba ya la première wamilele. Fête, c'est la Pâque. Ya kwanza ni Pasaka. Notre marche a commencé à la croix. Mwenendo yetu ilianzishwa kwa msalaba. Notre marche, c'est la Pâque. Mwenendo yetu inakuwa ni Pasaka. Après la Pâque, kisha Pasaka, c'est la fête de prémices. Inakuya tu ni fête ya malipo. C'est la fête de pain sans levain. Inakuya tu ni fête ya mukate bila chachu. La sanctification. Utakaso. La marche dans la sainteté. Kutembea tena la troisième fête. Na karamu ya tatu, c'est la fête des prémices. Inakuya tu ni fête tena ya malimbuku. De la Jésus comme notre prémisse. Yesu anakuya kama malimbuku. De la même manière qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Ali moja moja alifariki na kufufuka. Il nous a ouvert la porte de la résurrection. Ali tufungulia tena mulango ya ufufuko. Nous aussi, même si on va mourir, hata sisi tutafariki, nous allons ressusciter pour aller au ciel. Tutafufuka njia kwenda mbinguni. Et même la Bible dit le jour de l'avènement de Jésus-Christ. Na Biblia inasema na siku ya kuja kwa Yesu. Ce sont les morts qui seront les premiers à aller au ciel. Ni wafu watakuya wa kwanza kwenda mbinguni. Seront vivants, ils seront les derniers à rejoindre. Et la quatrième fête, c'était la fête de la Pentecôte. Le temps de la Pentecôte, c'est le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes au dernier moment. Parce que la Bible dit, je verserai au dernier jour. Je vais verser mon esprit sur les hommes et les femmes. Mais après ce temps que nous avons, nous avons la fête des trompettes. Tunakuya tena na karamu ya tarumbeta. Unakuwa tu ni tarumbeta moja. Qui va sonner? Yenye itapika. Et l'église va aller au ciel. Na kanisa itenda mbinguni. C'est la trompette de l'archange. Inakuwa tu ni tarumbeta ya huyu malaika. Nous devons avoir le discernement de temps. Inabidi tuwe na utambuzi wa nyakati. Nous sommes à quel moment? Tuko ni mwakati gani? Si nous connaissons le moment. Na tukitambua hiyo wakati. Nous allons déjà commencer à nous préparer. Tutaanza kujitayarisha. La préparation. Kujitayarisha. Elle est très importante. Inakuwa tu ni ya mahali. Okay, ceux qui se préparent. Wale wanajitayarisha. Ce ne sont que les gens qui ont le discernement de temps. Ni paka wale wanakuwa na utambuzi wa wakati. La fourmi se prépare. Huyu nyengelela kajitayarisha. Parce qu'elle a le discernement de temps. Sababu anakuwa na utambuzi wa nyakati. La deuxième des choses. Kitu ya pili. Dans la sagesse de la fourmi. Mu hekima ya huyu nyengelela. Bible nasema, il dit, elle prépare, anatayarisha, en été sa nourriture, anatayarisha mu wakati et la masse pendant la moisson, analokota wakati ya kuvuna, de quoi manger, nini anaweza la kula. Deuxième sagesse de la fourmi, ekima ya pili ya nyengelele, c'est la sagesse de la provision, inakuwa tu ni ekima iyo ya kuweka. C'est la sagesse de la provision. Inakuwa tu ni hekima ya kuweka. La provision, c'est une arme pour affronter l'avenir. Kuweka pembeni inakuwa ni silaha ya kuweza kwenda kumbele ya hiyo. Dans chaque domaine de la vie. Mukila aina ya maisha. La provision est tellement importante. Kuweka pembeni inakuwa tu ni ya mahali. Même dans la vie spirituelle. Hata muhali ya kiroho. Nous devons avoir la provision spirituelle. Tunapasha kuya tena na vitu tunaweka mu kiroho. Parce qu'il y a le temps. Sababu kuko wakati. Où tu as la force. Yenye unakuwa. Et il y a le temps où tu n'auras pas la force. Si il s'agit de prier, c'est aujourd'hui que nous devons prier. Parce que aujourd'hui, on peut avoir la force de jeûner. On peut avoir la force de s'agenouiller. On peut avoir le temps de chercher Dieu. C'est le temps que tu dois emmagasiner beaucoup de prières. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous avons emmagasiné hier. Il est une ouest à couer. Ce que nous prions aujourd'hui, il est une homme à pour notre avenir. Ninja Uji Owet. Oh, écoutez, Jésus dit ceci. Yes, on a sema. Il dit dans Luc et dans Marc. Anasema Katika Marco. Marc, il dit ceci. Anasema Ivi. Marc 14, 38. Marc 14, 38. Il dit ceci. Anasema Ivi. Veillez. Mukesh. Et priez. Namuombe. Enfin, que Chou. Vous ne tombiez pas. Musianguke. En tentation. Musianguke. L'esprit est bien disposé. Roni tayari. Mais la chair est faible. lakini mwili inakuwa mzalendo. Priez, veillez. Muombe, mukeshe. Pour que vous ne tombiez pas. Sababu musianguke. Il parlait de l'avenir. Alianza kusema juu ya kesho. Il ne parle pas de ce moment-là. Asikuseme kwa wakati ya leo. Il voulait dire ceci à Pierre. Alipenda kumwambia hivi Petro. Après quelques heures ici. Kisha ma il y aura une tentation. Kutakuya ile wakati cette tentation. Tu tena ushinde hiyo kupimwa. Tu dois prier. Inabidi uombe. Tu dois avoir la provision. Inabidi uwe na utoaji. Vous voyez quelqu'un? Unaona mtu? Il a le temps de prier. Mwenye anakuwa na wakati ya kuomba. Il fait de la blague. Lakini anaweka mizaha. Et il y a des moments où ça peut arriver. Kukoma wakati naweza kufika. Que tu tombes malade. Wewe unaanguka mgonjwa. Que tu n'as pas la force de prier. Hauko na nguvu ya kuomba. Cette prière que tu avais fait. Ile maombi uliweza kufanya. Ça va te précéder dans la vie. Itaweza kukutangulia maisha. Il y a des gens qui utilisent la prière comme la police et l'ambulance. Watu wanatumia maombi na kuwa kama police. L'ambulance ne vient seulement là où il y a un problème. Ambulance inakuyaka ni wakati kuna kuwa shida. Et la police aussi. Si vous voyez la police dans les quartiers. Ukiona polisi tena mumtaa. Il y a un délit commis, il y a quelque chose. Kuna kuya tena ubaya fasi fulani. Il y a des gens qui prient pour des circonstances. Kuko watu wanaombea njia majira. Ils prient seulement parce qu'il a vu des sorciers. Wanaomba ni sababu waliona ils walozi. Ils prient seulement parce qu'on l'a attaqué. Wanaomba sababu baliweza kumshambulia. Vous devez prier même lorsque vous êtes en bonne santé. Inabidi muombe hata mnakuwa na afya njema. Vous devez prier même lorsque vous avez beaucoup d'argent. Inabidi muombe hata mnakuwa na fedha nyingi. Vous devez prier même lorsque vous avez la paix dans votre vie. Inabidi kuomba hata mnakuwa na amani maisha yako. Lorsqu'il y a la paix, c'est le temps de la prière. Wakati kuko amani ni wakati wa kuomba. Amagazine la prière. Wewe unaweka tu utoaji wa maombi. Ta grande destinée. Hata ujio wako kubwa. A besoin d'une forte prière. Inahitaji maombi kubwa. Tu veux devenir grand. Unapenda kuwa mkubwa. Tu n'as pas de provision. Wewe hauna na utoaji pembeni. Il y a des gens aujourd'hui. Kuko watu leo. Qui n'ont pas besoin de prier. Wao hawahitaji kuomba. Ils vont seulement dire hallelujah. Wanasema tu hallelujah. Je sens la présence de Dieu. Nasikia uwapo. Les démons commencent à fuir. Na mapepo yanaanza kukimbia. Et toi tu viens là-bas et dis. Na wewe unakuwa unaanza kusema. Kiko tu kinakulia bukari. Il est juste en train de manger les fufu. Mais kiko anafanya miujiza. Et il est en train de faire des miracles. Kiko sasa kiko sasa ki sataniste. C'est comme un sataniste. Est-ce que tu connais là où il priait? Unajua ni wapi alianza kuomba? Tu connais les sacrifices qu'il faisait? Unajua tu connais la provision qu'il a emmagasiné? Unajua tu ni asina si tu vois quelqu'un être élevé aujourd'hui, ukione mtu anainuka leo, ferme ta bouche. Funga kinywa yako. Il est en train de manger sa provision. Yeye anakula tu ni asina yake. Il mange sa provision. Anakula tu ni asina yake. S'il s'agit de prier, ikitajie kuomba. C'est aujourd'hui que tu dois prier comme un mort. Leo unapasha kuomba kama mfu. C'est aujourd'hui que tu dois prier. Ni leo inabidi uombe. Je lisais c'est dans je suis de faire des recherches sur les gens qui ont réussi dans la vie. Niko natafuta hawa watu waliweza maisha yao. Les gens qui ont changé le monde. Watu walibadilisha tena dunia. Ce ne sont pas des gens qui blaguaient dans la prière. Haiko watu walianza kucheza ndani ya maombi. Ce sont des gens qui priaient. Ni watu walianza kuomba. Jusqu'à un niveau où mpaka kimo moja. Ils pouvaient même mettre leur vie en danger. Walipasha kuweka kutoa hata maisha yao. Je me souviens de l'histoire de Billy Graham. Nikakumbuka disi ya Billy Graham. Je lisais son histoire. Nilianza kusoma disi. Il est allé à la maison de John Wesley. Alienda nyumbani ya John Wesley. Il est allé visiter la maison de John Wesley. Alienda kuangalia hiyo nyumba. Il a trouvé son tapis là. Anakuta tapis pale. Sur le tapis il y avait deux trous. Na juu ya hiyo matapis palikuwa mashimo mbili. Hiyo mashimo mbili. On les a pas troués avec un couteau. Aba kuitobole na kisu. Ce sont des trous qui ont été troués par les genoux. Ni matundu ilitokea ni kumagoti. Donc les gens qui vont faire des grandes choses. Watu wanapenda ils doivent avoir la sagesse de la fourmi. Wanapasha kuwa na hekima ya nyengelele. Et la provision spirituelle. Na kuya tena na azina ya kiroho. Jésus dit prier. Kuomba. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. La prière d'aujourd'hui. Maombi ya leo. Va t'aider dans l'avenir. Itakusaidia kesho yako. Ce que tu pries aujourd'hui. Unaomba leo. Tu vas le retrouver devant. Utaipata mbele. La prière d'aujourd'hui. Maombi ya leo. Te précède. Inakutangulia. Ce que tu fais aujourd'hui. Yenye unafanya leo. Va te précéder là devant. Itakutangulia mbele. Sois une femme de prière. Uwe mwanamke wa maombi. Amagazine la prière. Upate kuweka. Mais j'aimerais faire une chose. Napenda fanya kitu moja. Le problème n'est que. Mambo inakuwa ni nini? Beaucoup prient. Wengi wanaomba. Mais ils vivent dans la pauvreté pourquoi? Lakini wanaishi mumasikini kwa ajili ya nini? Ils n'ont pas la notion de lit. Wao hawana na hiyo tena nia ya Eli. Eli priait. Eli alianza kuomba. Mais il sortait. Lakini alianza kutoka. Eh? Il a prié pour la première fois. Anaomba kwa mara ya kwanza. Il est sorti. Akatoka. Il a regardé les effets de la prière. Anatazama ile matokeo ya maombi. Il rentre encore dans la prière. Anarudi maombi. Il prie deux fois. Anaomba mara pili. Il rentre. Septième fois. Mara ya saba. C'est là qu'il a vu une petite, son serviteur dit que je vois une petite nuée. Nikusema aliweza kuona kawingu kadoko. Prie. kuomba. Et croise les bras. Ils attendent les miracomani. Wanachunga tu ni miracomani. Que l'argent vienne du ciel. Miracle itoke au makuta yangu ke mbinguni. Dieu n'est pas un contrefacteur. Oui, a una contrefacteur à part. Parce que le contrefacteur. Wa contrefacteur. Est puni de servitude pénale. Wa wana wapika tena kwa sheria. Si Dieu n'aime pas qu'on viole sa loi. Kama Mungu ashipende tutambuke sheria yake. Ne peut pas violer la loi du Congo. Awezi tena kutambuka sheria ya Congo. Cela veut dire. Ni kusema. Prier. Kuomba. Aller travailler. Na kuenda kutumika. Prier. Kuomba. Aller chercher l'argent. Na kuenda kutafuta pesa. Prier. Kuomba. Aller chercher la nourriture. Na kuenda kutafuta chakula. Prier. Kuomba. Aller chercher quelque chose. Na kuenda kutafuta kitu. Même toi ma sœur. Hata wewe. Prier sort. Omba na kutoka. Le mari va venir te trouver dans la chambre. Okay. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tu es toujours dans la prière. Moi, je suis un homme de la prière. Niko mutu wa maombi. Priez pour la puissance. Omba kwa ajili ya uwezo. Sors. Toka. Va imposer les mains aux gens. Wende ukaweke. Si ça ne tient pas, rentre encore. Rudi tena. Écoutez, quand on a commencé à prier, wakati tulianza les kuomba. Démons se moquaient de nous. Mademona alianza kuchekelea. Vous priez, vous sortez. Unaomba, unatoka. Vous imposez les mains. Unaweka mkono. Les démons te dit. Mademona inakuambia. Hakuna kitu. Il n'y a rien. Je me souviens un jour, on a prié pour une sœur. Tu lui ombe ya dada moja. On bouge la tête de la sœur. Tu natikiza kichwa. Toka pepo. Tu natikiza kichwa. Et le démon nous dit. Ma pepo ikatuambia. Mutamuvunja shingo. Vous allez fracturer son cou. Les démons commencent à nous porter conseil. Ma pepo inaanza kutushauri. Mutamuvunja shingo. Vous allez fracturer son cou. Cela veut dire on priait. Tu lianza kuomba. Mais il n'y avait rien. Lakini hakukua matokeo. On s'est pas arrêté là-bas. Atukushimamia pale. Aujourd'hui moi Samuel, je n'ai pas le temps de jeûner pour chasser un démon. Leo mie Samuel sina na wakati ya kufunga juu ya kufukuza pepo. Ningetu niko tu maombe baba, niko nafunga 3 jours. Ça partie on passé. Ile inakuwa tu ni mambo ya zamani. Et si tu doutes, amenez-la ici, tu vas voir. Kama kuna shaka, uwalete hapa utaona. Je n'ai pas le temps d'aller prier. J'ai de la provision. Mina kuya tena na zina yangu. Je ne suis pas arrêté là-bas. Si je continue pale. Encore à magasiner. Nika endelea tena kuweka utoaji wangu. Je vois si Dieu me donne une longue vie. Mungu ananipatia tena maisha marefu. Je serai un vieux pasteur, un vieux apôtre. Takuya tena si j'ouvre ma bouche. Nikifungule kinywa yangu. 15 minutes. Juu ya 15 minutes. Vos chaises là. Iyo bichi yenu. Vous allez remplacer d'autres. Mtenda kulokota wengine. Parce qu'en ce moment ici, je ne vois des chaises cachées. Niko naona des chaises cassées. Bichi bina kachika. Mais je continue à magasiner. Lakini mimi na endelea. Parce que j'ai encore la force. Miko na nguvu. Il y aura un temps. Kutakuwa wakati. Hata useme je. Quelque soit la manière tu vas parler. Je ne peux pas gêner. Je ne m'y ta funga. Même si tu viens prophétiser. Hata mimi napenda kutabiri. La tête en bas. Kichwa chini. Les pieds en haut. Mikulu yule. Dit que Dieu te fait 3 jours à sec. Je viens non. Déjà funga. J'ai déjà fait. Aujourd'hui, je jeûne. J'ai fait 7 jours. On a passé 7 jours. J'ai fait 10 jours. Je mange 10 jours. Michikuri. Parce que j'ai encore la force. C'est le temps de la moisson. C'est le temps où j'ai la force. Ni wakati mimi nakuwa na nguvu. Je dois magasiner la force. Je dois niweke tena ile nguvu ya fourmi. Na pasha kuya kama nyenyele. Tu as besoin d'un mariage puissant. Unahitaji ndoa ya uwezo. Mais tu m'as dit tu es hapa. Mais tu as vraiment une petite prière. Baba, tu as peur de faire l'effort dans la prière. Unakuwa na boka wa kufanya nguvu ndani ya maombi. Tu es en train de fionner la prière. Tu sais glory glory. Tu es en train de unafanya fieri ndani ya maombi. Prie avec ton swahili là. Omba na ile swahili yako. Frère, nduku, tu perds le temps avec le Facebook. C'est le temps d'emmagasiner. Inakuwa ni wakati ya kuweka mwazina yako. Demain. Kesho. Tu vas entrer dans la tentation. Kesho, ce qui va t'aider, c'est ta prière d'aujourd'hui. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Kuko mutu ananielewa. Il y a quelqu'un qui me comprend? Kuko mutu ananielewa. Et Jésus dit jusqu'à présent. Na Yesu anasema mpaka. Vous n'avez pas encore prié. Amuya bado kuomba. Cela veut dire. Ni kusema. Mulima 30. Quand ça va se terminer. Wakati c'est là que tu dois commencer la prière. Ni pale wewe utaanza maombi. Mulima 30. Ta donné des principes. Inakupatia makanuni. Des stratégies. Inakupatia mahali ya kuketi. Mais avant mettre tout ce qu'on t'a enseigné. Lakini tutaweka yote bali kufundisha. En pratique. Kuiweka kwa tout en appuyant par la prière. Na inakuwa ni maombi msingi na utaona maisha yako. Quelle est ta provision? Nini inakuwa hazina yako? Je lisais un Camerounais. Nilianza kuona Camerounais moja. Il a fait 2500 jeunes. Anafanya 2500 jeunes. Et il a énuméré 58 miracles, 58 000 miracles. Il était professeur à l'université. Il était professeur à l'université. Il a fait 2500 jeunes. Il a 2500 jeunes. À partir d'un jour jusqu'à 40 jours. Donc il a fait des jeunes. Un jour, il a compté, de deux jours, de trois jours. Il a fait 2500 jeunes de prière. Il a fait 10500 jeunes. Et il a fait au moins 58 000 miracles. Et il est vivant jusqu'à aujourd'hui. La sagesse de la fourmi, c'est la sagesse de la provision. Il a le discernement de temps. Et la notion de la provision. C'est la notion d'anticiper. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu es aujourd'hui. La deuxième chose dans le spirituel, tu dois avoir la provision de la parole. Dites à ton voisin la provision de la parole. Tu as quelle provision? Il y a des chrétiens qui ont dit ceci. Ouvrons le livre de Gédéon chapitre 6. Commence à chercher le livre de Gédéon. Ouvrons le livre de Joseph chapitre 3. Il n'a rien dans sa tête. Il n'a pas la provision de la parole. Parce que ce que tu vas dire ne dépend pas de tes discours. Mais ça dépend de la parole. Dieu dit ceci à Josué. Ce livre de la loi, ne puisse pas se quitter de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est là que tu vas réussir dans tes entreprises. Écoutez ça. Lisons d'abord Psaume 127, verset 5. La Bible dit: heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus. Car ils parleront avec les ennemis à la porte. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, il ne sera pas confondu. Quand il va parler avec ses ennemis devant la porte. Donc ton carquois doit être rempli de la parole. Parce que ce que tu vas parler à l'ennemi, ce n'est pas les fables de la fontaine. Ce n'est pas ton discours à toi. Mais c'est la parole que tu as emmagasinée. Alléluia. Amina. Amagasine la parole. Et gloire soit rendue à Dieu. Vous avez eu un très bon moment. Des grands orateurs. Des docteurs qui vous ont parlé. Ils ont déchiré avec des bistouris. Mais il y a de ces gens-là. Ils vont sortir carquois vide. Ils ne passeront même pas sur la chaîne de l'église Sous-Fécond. Ils vont aller sur des chaînes de comédie. Dans sa tête, il n'y a que la comédie. Dans sa tête, il n'y a que des choses de ce monde. On va le vaincre par la parole. Même Jésus a vaincu le diable dans le désert. Pas avec les chaînes de prière. Mais il a vaincu par la parole. C'est ça la deuxième sagesse. La troisième sagesse de la fourmi, c'est le travail. La discipline. Écoutez, il n'a ni chef. Il n'a ni inspecteur. Il y a ces gens-là dans l'église. Ils sont bons lorsque seulement papa est là. C'est là qu'ils vont travailler durement. Parce que le chef est là. L'inspecteur est là. Mais la fourmi n'a pas besoin de chef. Ni de l'inspecteur. Il a l'esprit du travail. Le travail, c'est une force. Kazi inakuwa ni nguvu. Le travail assure l'indépendance. Kazi inatufanya tuwe tu huru. Ce n'est que celui qui travaille. Ni paka ule anatumika. Qui devient puissant. Ndio anakuwa wa uwezo. Écoutez ce qui fait que les païens. Ile nafanya wapagani. Sont très puissants plus que les chrétiens. Wanakuwa na uwezo kusindia wa Kristo. C'est le travail. Inakuwa ni kazi. Ce qui fait que l'Europe. Ile nafanya kusema Europa. Les États, l'Amérique. Inakuwa ta Amerika. L'Asie. Asie. Est plus puissant que l'Afrique. Inakuwa na uwezo kushindia Afrika. C'est quoi? Inakuwa ni nini? C'est le travail. Ni kazi. Même un prix. Hata wanaomba. Mais ils travaillent. Lakini wanatumika. Mais il y a de ces gens-là. Kuko wale watu. Qui veulent remplacer. Wanapenda kukomboa. Leur paresse par la prière. Ile uzaifu yao kwa maombi. Ils ne veulent pas travailler. Hawapende kutumika. Mais ils veulent seulement prier. Lakini wanatamani kuomba. Prier c'est bien. Kuomba ni mzuri. Mais après la prière. Lakini kisha maombi. Tu dois travailler durement. Inabidi utumike na nguvu. Avec discipline. Unatumika tena na nguvu. Alléluia. Amina. Vous allez remarquer un païen. Utaona kusema mpagano. Il va commencer à marcher avec ça. Ataweza kutembea na hii. Mouchoir voiture. Anatembea tena. Mouchoir voiture. Mouchoir ya motoka. Il prend l'argent. Anabeba. Il met des provisions. Anaweka tena inakuwa kuazina yake. Le problème. Shida. Qui est là? Iko pale. Ce n'est que le chrétien. Ni paka mukristo. Qui néglige le travail. Yenjo anazarau kazi. Écoutez, le travail engendre le travail. Kazi inazala kazi. La fourmi malgré sa faiblesse. Nyengelele hata uzaifu wake. Il travaille petit à petit. Alianza kutumika kidogo kwa kidogo. Kidogo kwa kidogo. La grandeur ne commence pas avec des grandes choses. Ukubwa haianzishwi na vitu kubwa. La grandeur commence avec des petites choses. Ukubwa inaanzishwa na vitu kidogo. Si tu n'as pas cette sagesse. Kama uko na hiyo hekima. Tu vas souffrir demain. Utateswa kesho. Parce qu'il y a un temps du travail. Kuko wakati ya kazi. Il y a un temps de repos. Na wakati ya kupumzika. Vous allez remarquer. Mutaona. Quelqu'un qui a 68 ans. Mtu mwenye anakuwa na 68 ans. Il est sentinelle. Yeye anakuwa ni jambo. Si ni lupi moto anakufa. Une gifle et puis il meurt. Il a 72 ans. Yeye anakuwa tu na 70. Il est devant une boutique la nuit. Il est sentinelle. Ya magasin ya duka moya. C'est pour les gens qui ont le muscle, hein? Hii kazi inakuwa ni wale wanakuwa na mifupa ni wa vijana. On va lui donner un coup seulement. Batakuweka kofi moja. Anakufa paka paka. Na wakati alikuwa na nguvu. Il était paresseux de travail. Yeye alikuwa tu ni mzaifu kwa yote. Frère, travaille. Duku tumika. Fais un travail. Fanya kazi. C'est ça la sagesse. Ndio inakuwa hekima. Écoutez, qu'est-ce que dit la Bible? Nini Biblia inasema? Proverbe dit ceci. Mithali inasema hivi. Tout travail procure l'abondance. Kazi yote inaleta utele. Mais les paroles en l'air. Lakini misemo ya kupepo inamena qu'à la disette. Inaleta tu ni kumasikini. Tout travail procure. Kazi yote l'abondance. Inaleta utele. C'est ce que proverbe dit. Jo hiyo Mithali inasema. 14:23. Donc celui qui travaille, il aura l'abondance. Yeye atakuwa tena na utele. Spirituellement travaille. Physiquement travail. Et il y a la discipline. Mukuye tena munasha kupanga vitu. Il y a un frère. Kuna kuyanduku. Il a cherché un travail. Naweza kutafuta kazi. Quelque part il souffrait. Alianza kuteseka. Il est frère de l'église. Anakuya tunduku wa kanisa. On commence à lui payer très bien. Bakaanza kumulipa mzuri. Deuxième mois. Mwezi tu ya pili. Il a volé 3 millions. Aliweza kuiba 3 millions. On lui avait donné la gérance de ces histoires d'Mpesa, Airtel Money. Il vole 3 millions. Anaiba 3 millions. On le pardonne. La maman dit bon parce qu'il a été recommandé par papa. Ule mama anasema ninju baba alimuleta. Moi je ne savais pas ce qui s'était passé. Après cela, il arrive au travail à 11h. Anafika tena kukaji na saa 11h. Ces histoires-là commencent très tôt le matin en Tanzanie. Inaanza tu asubuhi. Qui vont partir au boulot. Kuko watu wanaenda kwa kazi. Retirer de l'argent. Wanaweza kuchukua des transactions. Wanaweza faire ma transaction. Il arrive à 11h. Lakini yeye anafika na saa 11h. Papa. Baba. Il a volé 3 millions. Ariba 3 millions. On l'a pardonné. Tulimsamehe. Deuxièmement. Yapi. Il commence à venir à 11h. Anaanza kuwa na saa 11h. Je dis qu'est-ce que vous attendez de le chasser? Munachunga nini njoo kumfukuza? Mettez-lui à la porte. Umweke kumlango. Papa vous dites quoi? Fukuza. Chassez-le. On l'a chassé. Baruweza kumfukuza. Et il est parti. Akaenda. Passer à mapendo. Quand tu le passé n'a pas d'amour. La Bible dit ceci. Il vient à se maïve. C'est lui qui n'est pas fidèle aux choses d'autrui. Mwenye asina mwaminifu kwa vitu ya benyewe. Qui lui donnera le tien. Donc quand je montre la fidélité dans le travail d'autrui, c'est là que j'aurai l'abondance. C'est là que Dieu aussi va me donner ce qui m'appartient. Mais si tu voles chez autrui, écoutez, je vous dis ceci. Si vous engagez quelqu'un dans votre travail et qu'il est frère de votre église et commence à parler en langue au travail, il faut le chasser. Il va détruire ton travail. Là, ce n'est pas l'église. Parce qu'au fur et à mesure que tu travailles, c'est au fur et à mesure que tu amasses. En amassant petit à petit, tu deviens puissant. Et vous engagez quelqu'un qui fournit la Bible 3 heures dans votre bureau là. Il faut le mettre à la porte. Il a bidi kumfukuza. Chez eux, ils ne lisent pas la Bible. Face à son Bible, il mobile. Là, il faut lire la Bible, c'est dans ton les bureau. Les gens demandent c'est combien lui il est de Matayo Surami. Watu tu wakamuliza ni benga pia naanza kuambia mambo ya mobibili. Il n'a pas la discipline. Et quand tu le chasses, na wakati unamfukuza, commis un péché. Hautende zambi. C'est un paresseux. Anakuwa tu ni mzaifu. Il doit apprendre à travailler. Inabidi ajifunze kutumika. Qu'est-ce qui passe? Amen. Ou bien vous me tenez rigueur. Mi nakufukuza. Moi je te chasse. Je te chasse. Nakufukuza. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. J'aimerais terminer. Napenda kumaliza. Lisons d'abord un verset qui m'a beaucoup plu. Tusome mstari moja ilinifurahisha zaidi. Alléluia. C'est Proverbe 22:29. Sali 22:29. Ça dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est lui qui est fort dans le travail. C'est lui qui travaille durement. Il va se retrouver un jour avec le président de la République. Il va se retrouver un jour avec les ministres. Il va se retrouver un jour avec les Bill Gates. Mais il ne sera pas devant les gens obscurs. Si tu es devant les gens obscurs qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de direction, c'est parce que tu es paresseux comme eux. Sababu na kuwa mzaifu kama wale. On a dit ceci, si tu es parmi 4 paresseux, kama unakuya katikati ya wazaifu wa nini, usitafute tena mzaifu mwingine watani. Si toi tu es devant 4 paresseux, ukijikute mbele ya wazaifu wa nini, kuna tembea nao. Ne cherche pas le 5e paresseux, usitafute tena mzaifu watano mwingine. Le 5e paresseux c'est toi. Watano inakuwa ni wewe. Si tu travailles durement, tu vas te tenir devant les rois. J'ai l'impression que c'est ici. Même quand tu joues là-bas au Saint-Étienne, c'est un travail. Travaille durement. Un jour, tu vas te retrouver avec des grands. Je vais vous dire un jour. Un jour, on a voyagé, on est parti dans une conférence à la frontière de la Tanzanie et Mozambique. Mozambique, Mozambique. On veut maintenant aller à l'aéroport. Je vois un petit. Je pose des questions. Il est aussi pasteur. Non. Je dis pourquoi il part avec nous. Je dis qu'il joue au Saint-Étienne. Ah. Je dis là, il n'y a pas de gens qui jouent. Ils m'ont dit. Tu auras la réponse lorsque nous allons arriver de l'autre côté. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai commencé le service. Je vois l'autre qui était chargé de la musique. Il dit petit, va là-bas. Quand il a touché ce truc-là, clavier. Les démons commençaient à crier déjà. Moi, je n'ai pas encore commencé le service. Les démons commencent à crier. Alors après, j'ai dit, mina pas ta majibou. J'ai eu ma réponse. J'ai dit, petit, tu fais quoi? Ce n'est pas qu'il joue très bien seulement. Non. Et lui, il fait des jeûnes de 21 jours. Des jeûnes de 3 jours. Pour que Dieu l'utilise en jouant le kibou. Sababu Mungu amutumie wakati anacheza kule. Vous jouez avec des choses. Moi, mon achèze en habitu, hein. Vous jouez avec des choses. Mon achèze en habitu. Moi, je vois des gens qui voyagent. Ni kunaona watu wana safiri. Ils voyagent avec ils voyagent avec des Bénin. Wana safiri na. Pas qu'ils sont aussi pasteurs. Aiko tu wana kuya watumishi. Santé. Lakini na kwa tu ni santé. Vous ne travaillez pas. Moi, yamtumiki. Vous jouez. Moi, yamuko na chez. Vous cherchez seulement les talents. Muna tafuta tu mazawa. Travaillez avec des bases spirituelles. Lakini mutumiki na msingi ya kiroho. Alléluia. Même Amina. Chanter, hata kuimba, c'est un travail. Inakuwa ni kazi. Quand tu travailles, wakati unatumika, tu es sérieux dans ce travail. Unakuya tu as la discipline. Unakuwa tu unajipanga vile na staili. Des chanteurs ont l'argent plus que nous les pasteurs. Waimbaji wangapi wanakuwa na fedha kutusindia sisi watumishi? Wanatumika tu. Ils font des répétitions 4 heures. Wanafanya ma répétition 4 heures. Même si aujourd'hui ils font beaucoup de répétitions, mais ils ne prient pas. Ataleo wana ils ont de belles voix. Vous avez la chanson qu'on a chantée, Dieu Tout-Puissant. Cette chanson a été créée avant notre naissance. C'est dans 1800 là-bas. Mais quand on chante aujourd'hui, wakati tunaimba tu leo, tu sens. Unasikia. Mais leur chanson d'aujourd'hui, c'est beau à écouter. Inakuwa tu ni mzuri kusikia. Mais ça n'a pas d'impact. Lakini haiko na matokeo. Ce ne sont que ceux qui connaissent les secrets de la prière. Ni paka wale wanajua siri ya maombi. Qui commencent à voir de l'impact à cette époque. Jo wananza kuona matokeo kwa kazi yao. Mwimbo unatoka leo. Une chanson qui sort aujourd'hui. Lundi. Le lundi. Après lundi prochain, apotea. Le lundi prochain, on écoute plus cette chanson. Ça appartient au passé. Inakuwa tu ni mwimbo ya zamani. Quand il s'agit de prêcher. Travail. Tumika. Le travail de la prédication, ce n'est pas ici. Kutumika maubiri haiko hapa. C'est dans ta chambre. Inakuya ndani ya chumba lako. Alléluia. Amen. La dernière sagesse pour terminer. Hekima ya mwisho juu ya kumaliza. Écoutez. Sikieni. Quand je parlais de la provision, nilianza kusemezea kwa ajili ya hazina. Ce n'est pas seulement la provision spirituelle. Haiko tu hazina ya kiroho. C'est aussi la provision matérielle. Lakini inakuwa tu ni hazina vitu ya aujourd'hui, kupapasa. Leo. Tu trouves l'argent. On n'a pas ta faise. Kuria kidogo. Mange un peu. Ouega kidogo. Et réserve une autre partie. Mon meilleur voisin. Dis à ton voisin. Pata makuta. Trouve l'argent. Kula kidogo. Mange une partie. Ouega kidogo. Et réserve une autre Mais partie. Weye. Toi. Auna ki, tu n'as pas un lit. On te donne 1000 dollars. Tu vas aller acheter une veste de 500 dollars. Avec des souliers de 200 dollars. Na bilato bia 200 dollars. Mukichwa. Kichwa hiki kina matatizo. Cette tête a beaucoup de problèmes. Tes enfants vont manger des vestes demain. Watoto watakula kesho kote. La pauvreté ce n'est pas le manque d'argent. Masikini haina tu kukosa fedha. C'est l'état d'esprit ni mukichwa. Inakuwa tu ni hali ya mukichwa. Il y a des gens qu'on peut lui donner 40 millions de dollars aujourd'hui. Kuko watu wanaweza kuwapatia 40 000 dollars. Après 3 ans. Kisha miaka 3. Ina rien. Ana na kitu. Il va aller dormir dans un hôtel de 3000 dollars par jour. Atenda kulala mchumba ya 3000 dollars siku. Il fait un déjeuner de 50 dollars par jour. Il croit que cet argent, ce sont des feuilles qu'on va cueillir. Même il y a des temps, même l'arbre aussi peut perdre même des feuilles. La provision de la sagesse. Et la sagesse de la fourmi. Et la dernière des choses. Vous allez comprendre que la fourmi c'est Joseph. Telea kusema huyu nyengelele ni Yusufu. La fourmi c'est Joseph. Nyengelele inakuwa tu ni Yusufu. C'est celui qui a appris à Pharaon. Ni yeye alimwambia Pharaon. Il a discerné le temps. Aliweza kuwa na utambuzi wa nyakati. Les sept vaches grasses. Anasema awa tena ngombe tena wa saba. C'est le temps de l'abondance. Inakuwa ni wakati ya utele. Les sept vaches maigres. Awa tena wa saba wa konde wa ngombe. Inakuwa tu ni wakati ya njaa. Asa Pharaon. Ce que tu dois faire c'est quoi? Nini inabidi ufanye? Pendant le temps de l'abondance. Kwa wakati ya utele. Mette quelque chose à part. Weka kitu fasi. Maintenant le temps là. Wakati, il faut que les Égyptiens travaillent. Inabidi awa watu pour mettre watu de l'abondance. Jua weke utele. Mais là, il propose chercher quelqu'un qui va vous aider. Il dit que où trouverions-nous un homme qu'il y a l'esprit de Dieu comme toi, un homme sage comme toi. Donc la force que tu dois aller avec, c'est la sagesse. La sagesse de la fourmi, c'est le discernement de temps, c'est la provision, c'est le travail. C'est là qu'on s'est arrêté aujourd'hui. Mais il y a un combat devant toi que tu vas vaincre avec la provision. Moulima 30 te prépare pour l'année prochaine. Il y a des défis à relever. Il y a des combats à vaincre. Mais cette provision va t'aider dans le combat. Ayez la notion de la fourmi. La fourmi, c'est le fils d'Issachar. Et la fourmi, c'est Joseph. Qui est un Joseph ce matin? Qui est Joséphine ce soir? Prépare ton avenir. Ma soeur, tu ne peux pas mettre des cabelos et puis tu n'as si pas d'argent. Si quelqu'un veut te dire, prends 100 dollars, 300 dollars pour le cabelo. Toi qui coupes 300 dollars, il y a cabelo. Je connais un endroit, il y a de vrais cabelos. Donne-moi moi-même, j'irai acheter. Mina yua fasi kuko makabelo mzuri tenda kuza peke yangu. Va commencer un petit commerce. Wende ukaanze tena kazi kidogo. Va commencer quelque chose. Wende ukaanze kakitu. Écoutez, il y a de temps. Kuko mawakati. Où tu auras des solutions avant des problèmes. Mais ça dépend de ta provision. Alléluia. Amina. Écoutez, nous allons marcher de cette manière. On va seulement parler des autres sagesses demain. Et après, nous allons changer. Parce que ça, c'est la première partie. Va avec cette force que tu as. Va délivrer. Maintenant, on va parler demain. On augmente d'accord de sagesse. Et puis, le troisième jour, nous allons entrer dans la délivrance. Parce que je sens qu'on travaille dans la délivrance. Il y a des démons qu'on doit chasser. Il y a des maladies qui doivent être guéries. Il y a des miracles qui doivent tomber. Vous avez suffisamment été nourris. On parlera demain de la sagesse, de la sauterelle et du lézard. Après cela, mercredi, on va parler sur les trois nations que Gédéon a combattu. Les fils de l'Orient, les Madianites, ces trois nations-là, il y a une grande révélation. Et on va prier. Mais la force que tu dois partir avec, c'est la sagesse. Tous amen. Amen. Amina. J'ai parlé longtemps. Élève-toi des mains. Il y a une personne. Il y a une personne qui a des problèmes de maux de tête, surtout au niveau des nerfs. Venez ici devant. Celui qui a des maux de tête. Pas une autre maladie. Seulement le mot de tête et les nerfs. Simon me parle mbele. Dieu va vous guérir ce soir. Mungu ataniponya mangaribi. Il m'a montré les signes. Nous élevons nos mains. Tunanyanyua mikono yetu. Tous, toute l'église. Kanisa mzima. Ma chanson là, la même chanson. Migao mikono mina panda pa nipetie tu les chansons yango. Nous allons chanter tous à haute voix. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Nous chantons tous à haute voix. Tout naïmba si saute na sauti yangovu. Considère Jésus. C'est ma Jésus. Prie très fort. Tu dis Jésus. Jésus. Donne-moi la sagesse de la fourmi. Donne-moi la sagesse de la fourmi. Donne-moi le discernement de temps. Donne-moi la force d'amasser de provisions. Donne-moi la force du travail. Et ouvre-moi le porte de travail. Au nom de Jésus, tu vas dire à Dieu de te donner la sagesse. Salomon a été connu dans le monde entier par sa sagesse. La sagesse, c'est une force. Que Dieu te donne la sagesse. Parce que l'année qui commence, tu vas aller avec la sagesse. Et cette sagesse va changer ta vie. Tu vas prier sérieusement. Monte à la prière. c'est de la guérison. C'est dans le nom puissant de Jésus. Amen. Regarde-moi bien. Qui est entré avec des douleurs? Maman, c'est maman. Je avais de fortes douleurs. Ah, tu sentais quoi? Depuis quel jour? Presque une semaine. Et quand tu es entré ici, tu sentais toujours les douleurs. Bougez un peu ta tête. Jésus. Jésus. Là, je ne sens rien. Acclamez pour la gloire de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Toi, tu sens quoi? Pour la guérison, tu es guéri. Maman, c'est moi. Abba, tu comptes ton père. Guérison. C'est dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen. Merci Jésus, ou maman, au nom de Jésus. Ma soeur, si tu ne sens pas, tu es guéri, ne dis pas ce qu'il y a bien. Si tu ne sens pas, on prie pour toi. Si vous célébrez des petites choses, des grandes choses peuvent arriver. Ce n'est pas des petites choses. Qui fait mal, ce n'est pas une petite chose. Ayez la culture. Chez nous, en Tanzanie, on célèbre. C'est pourquoi Dieu fait beaucoup de miracles. Ne croyez pas que c'est peu des choses. Vous prenez même les médicaments, mais ça n'arrête pas. Des mots, des petits mots de tête à tuer beaucoup de gens. Il faut célébrer. Parce que vous allez voir des guérisons cette semaine. Mais commencez d'abord à célébrer ce que Dieu fait. Parce que quand je suis entré, la première des choses que Dieu m'a dit, c'est prier pour quelqu'un qui a des maux de tête. Là, je me suis assis là-bas. Merci Jésus, nous confirmons au nom puissant de Jésus. Amen. Lève ta main droite. Vous allez nous excuser pour le temps, mais demain on va régler le temps. C'est ma Jésus. Donne à cette tête la sagesse de la fourmi. Donne à cette tête la sagesse de la fourmi. À partir d'aujourd'hui. Je marche avec la sagesse. J'affronte les défis de la vie avec la sagesse. L'année 2026. Je vais l'affronter avec la sagesse de la fourmi. Je vais discerner le temps. Je vais faire la provision. Je vais travailler. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Mungu wake. Mosa mbenagoya. Tosanjola. Tosanjola. Mosa mbenagoya. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons nous avancer pour donner nos offrandes. Éternel, bénis ces offrandes. Souviens-toi de la main qui a offert. Par ta grâce, Seigneur, bénis chacun de nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous donnons les communiqués. Demain, nous nous retrouvons à partir de 16h30. Nous continuons avec la prière. Et les autres communiqués, notre pasteur sera là, il va continuer. Que Dieu soit béni, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Nous allons inviter Papa Abdon, il va nous bénir. Nous allons nous tenir debout.